tue pas mon esprit. Belle, écoute mon esprit, laisse-moi faire mon esprit. Ça fait 3-3-2 et tous les grands. J'ai des bifons sous les yeux, si je suis là c'est pour les prendre. Les agas, cherche pas le point de comparaison. Joue pas les professeurs, les élèves ne font pas des leçons. Je m'enfuirai pas car on gère un souci en le bravant. J'ai la rime tranchante comme un coup de surin dans le bavant. Prends le tu, wesh, appelle-moi le surdoué. Je suis pas un touriste, je viens de la banlieue sud-ouest. Je me suis cultivé, je suis fier de ce que j'ai dans le crâne. Le rap ça pue de la gueule, les trois quarts ils ont les dents crades. Je suis bien entouré, j'ai pas besoin de te connaître toi. Sac et Wira, deux frangins soudés comme les doigts. D'une main, cherche pas des poux sur un crâne rasé. Le rap c'est un bout de viande et moi je suis un carnassier. La porte est cadenassée, je l'attaque au pied de biche. Je rends pas ton rap pour moi, tu t'es trompé de bise. Je suis fier de ma gueule, je suis fier de mon travail. Eh hey, viens pas test ou la banque, tu la remontes. Tout ça n'occupe pas mon esprit. Belle, écoute ton esprit, laisse-moi faire mon esprit. Ça fait pour 1-3-2 et tous les grands. J'ai des pifons sous les yeux, si je suis là c'est pour les prendre. Ça fait tout ça n'occupe pas mon esprit. Belle, écoute ton esprit, laisse-moi faire mon esprit. Ça fait pour 1-3-2 et tous les grands. J'ai des pifons sous les yeux, si je suis là c'est pour les prendre. Si tu veux ma peau, lève-toi tôt et viens me chercher. Je défendrai mes côtes à la mort comme un tchétchène. J'ai du pain sur la planche, il me faut des planches à pain. J'ai un disque en bas, qu'est-ce que tu veux, j'ai des plans sapiens. Dégage de ma route, si tu veux pas la guéguerre. Tu pourrais me faire de l'ombre, mais juste au niveau de la guéguerre. Je suis fier de ce que je fais, parce que je fais ça bien toi. Continue, t'inquiète, après ça viendra. Je dois changer de niveau, passer l'étage au-dessus. J'ai chlappé le rap, il a l'empreinte de ma chaussure. Tu ferais bien d'aller faire un tour au WC. Va m'essuyer ça, t'as le paquet collé aux fessiers. On voit ceux qui arriveront et puis ceux qui en chiront. Ceux qui réfléchissent et ceux qui n'ont rien dans le chiron. Je suis fier de ma vie, 2007, Saké Zaka. CB Productions dans l'industrie, ça fait sacré. Tout ça n'occupe pas mon esprit. Belle, écoute ton esprit, laisse-moi faire mon esprit. Ça fait pour 1-3-2 et tous les grands. J'ai des pifons sous les yeux, si je suis là c'est pour les prendre. Ça fait tout ça n'occupe pas mon esprit. Belle, écoute ton esprit, laisse-moi faire mon esprit. Ça fait pour 1-3-2 et tous les grands. J'ai des pifons sous les yeux, si je suis là c'est pour les prendre. Les acariens gros. Ouais, viens pas test.